Le Lys dans la vallée, chapitre 11. Je partis après quelques moments passés dans une de ces heureuses stupeurs des âmes arrivées là où finit l'exaltation et où commence la folle extase. Je m'en allais d'un pas lent, en me retournant sans cesse. Quand au sommet du plateau je contemplais la vallée une dernière fois, je fus saisi du contraste qu'elle m'offrit en la comparant à ce qu'elle était quand j'y vins. Ne verdoyait-elle pas? Ne flambait-elle pas alors comme flambaient, comme verdoyaient mes désirs et mes espérances? Initiée maintenant aux sombres et mélancoliques mystères d'une famille, partageant les angoisses d'une niobée chrétienne, triste comme elle, l'âme rembrunie, je trouvais en ce moment la vallée au ton de mes idées. En ce moment, les champs étaient dépouillés, les feuilles des peupliers tombaient, et celles qui restaient avaient la couleur de la rouille. Les pampres étaient brûlés. La cime des bois offrait les teintes graves de cette couleur tannée que jadis les rois adoptaient pour leur costume et qui cachait la pourpre du pouvoir sous le brun des chagrins. Toujours en harmonie avec mes pensées, la vallée où se mouraient les rayons jaunes d'un soleil tiède me présentait encore une vivante image de mon âme. Quitter une femme aimée est une situation horrible ou simple, selon les natures. Moi, je me trouvais soudain comme dans un pays étranger dont j'ignorais la langue. Je ne pouvais me prendre à rien en voyant des choses auxquelles je ne sentais plus mon âme attachée. Alors l'étendue de mon amour se déploya, et ma chère Henriette s'éleva de toute sa hauteur dans ce désert où je ne vécus que par son souvenir. Elle fut une figure si religieusement adorée que je résolus de rester sans souillure en présence de ma divinité secrète, et me revêtis idéalement de la robe blanche des Lévites, imitant ainsi Pétrarque, qui ne se présenta jamais devant l'or de Nove qu'entièrement habillée de blanc. Avec quelle impatience j'attendis la première nuit où, de retour chez mon père, je pourrais lire cette lettre que je touchais durant le voyage comme un avare tâte une somme en billets qu'il est forcé de porter sur lui. Pendant la nuit, je baisais le papier sur lequel Henriette avait manifesté ses volontés, où je devais reprendre les mystérieuses effluves échappées de sa main, d'où les accentuations de sa voix s'élancerait dans mon entendement recueilli. Je n'ai jamais lu ces lettres que comme je lis la première, au lit et au milieu d'un silence absolu. Je ne sais pas comment on peut lire autrement des lettres écrites par une personne aimée. Cependant, il est des hommes indignes d'être aimés qui mêlent la lecture de ces lettres aux préoccupations du jour, la quittent et la reprennent avec une odieuse tranquillité. Voici, Nathalie, l'adorable voix qui tout à coup retentit dans le silence de la nuit. Voici la sublime figure qui se dressa pour me montrer du doigt le vrai chemin dans le carrefour où j'étais arrivée. Quel bonheur, mon ami, d'avoir à rassembler les éléments épars de mon expérience pour vous la transmettre et vous en armer contre les dangers du monde à travers lequel vous devez vous conduire habilement. J'ai ressenti les plaisirs permis de l'affection maternelle en m'occupant de vous durant quelques nuits. Pendant que j'écrivais ceci, phrase à phrase, en me transportant par avance dans la vie que vous mènerez, j'allais parfois à ma fenêtre. En voyant de là les tours de Frapelle, éclairées par la lune, souvent je me disais « Il dort et je veille pour lui ». Sensation charmante qui m'ont rappelé les premiers bonheurs de ma vie, alors que je contemplais Jacques endormi dans son berceau, en attendant son réveil pour lui donner mon lait. N'êtes-vous pas un homme enfant de qui l'âme doit être réconfortée par quelques préceptes dont vous n'avez pu vous nourrir dans ces affreux collèges, vous avez tant souffert, mais que nous autres femmes avons le privilège de vous présenter? Ces lieux influent sur vos succès, ils les préparent et les consolident. Ne sera-ce pas une maternité spirituelle que cet engendrement de systèmes auquel un homme doit rapporter les actions de sa vie, une maternité bien comprise par l'enfant. Cher Félix, laissez-moi quand même, je commettrai ici quelques erreurs, imprimer à notre amitié le désintéressement qui la sanctifiera. Vous livrer au monde, n'est-ce pas renoncer à vous ? Mais je vous aime assez pour sacrifier mes jouissances à votre bel avenir. Depuis bientôt 4 mois, vous m'avez fait étrangement réfléchir aux lois et aux mœurs qui régissent notre époque. Les conversations que j'ai eues avec ma tante, et dont le sens vous appartient, à vous qui l'a remplacée, les événements de sa vie que M. de Mortsauf m'a racontés, les paroles de mon père, à qui la cour fut si familière, les plus grandes comme les plus petites circonstances, tout a surgi dans ma mémoire au profit de mon enfant adoptif que je vois près de se lancer au milieu des hommes, presque seul, près de se diriger sans conseil dans un pays où plusieurs périssent par leurs bonnes qualités étourdiment déployées, où certains réussissent par leurs mauvaises bien employées. Avant tout, méditez l'expression concise de mon opinion sur la société considérée dans son ensemble, car, avec vous, peu de paroles suffisent. J'ignore si les sociétés sont d'origine divine ou si elles sont inventées par l'homme. J'ignore également en quel sens elles se meuvent, ce qui me semble certain, leur existence. Dès que vous les acceptez, au lieu de vivre à l'écart, vous devez en tenir les conditions constitutives pour bonnes. Entre elles et vous, demain, il se signera comme un contrat. La société d'aujourd'hui se sert-elle plus de l'homme qu'elle ne lui profite ? Je le crois. Mais que l'homme y trouve plus de charges que de bénéfices, ou qu'il achète trop chèrement les avantages qu'il en recueille, ces questions regardent les législateurs et non l'individu. Selon moi, vous devez donc obéir en toute chose à la loi générale, sans la discuter, qu'elle blesse ou flatte votre intérêt. Quelque simple que puisse vous paraître ce principe, il est difficile en ses applications. Il est comme une sève qui doit s'infiltrer dans les moindres tuyaux capillaires pour vivifier l'arbre, lui conserver sa verdure, développer ses peurs et bonifier ses fruits, si magnifiquement qu'il excite une admiration générale. Cher, les lois ne sont pas toutes écrites dans un livre. Les mœurs aussi créent des lois. Les plus importantes sont les moins connues. Il n'est ni professeur, ni traité, ni école pour ce droit qui régit vos actions, vos discours, votre vie extérieure, la manière de vous présenter au monde ou d'aborder la fortune. Faillir à ces lois secrètes, c'est rester au fond de l'état social au lieu de le dominer. Quand même cette lettre ferait de fréquents pléonasmes avec vos pensées, laissez-moi donc vous confier ma politique de femme. Expliquer la société par la théorie du bonheur individuel, pris avec adresse aux dépens de tous, est une doctrine fatale dont les déductions sévères amènent l'homme à croire que tout ce qu'il s'attribue secrètement, sans que la loi, le monde ou l'individu s'aperçoivent d'une lésion, est bien ou dûment acquis. D'après cette charte, le voleur habile est absous. La femme qui manque à ses devoirs, sans qu'on en sache rien, est heureuse et sage. Tuer un homme sans que la justice en ait une seule preuve, si vous conquérez ainsi quelques diadèmes à la Macbeth, vous avez bien agi. Votre intérêt devient une loi suprême. La question consiste à tourner, sans témoin ni preuve, les difficultés que les mœurs et les lois mettent entre vous et vos satisfactions. À qui voit ainsi la société ? Le problème que constitue une fortune à faire, mon ami, se réduit à jouer une partie dont les enjeux sont 1 million ou le bagne, une position politique ou le déshonneur. Encore le tapis vert, n'a-t-il pas assez de draps pour tous les joueurs ? Et fait-il une sorte de génie pour combiner un coup ? Je ne vous parle ni de croyances religieuses ni de sentiments. Il s'agit ici des rouages d'une machine d'or et de fer et de ses résultats immédiats dont s'occupent les hommes. Cher enfant de mon cœur, si vous partagez mon horreur envers cette théorie des criminels, la société ne s'expliquera donc à vos yeux que comme elle s'explique dans tout entendement sain par la théorie des devoirs. Oui, vous vous devez les uns aux autres sous mille formes diverses. Selon moi, le duc et pair se doit bien plus à l'artisan ou au pauvre que le pauvre et l'artisan ne se doivent au duc et pair. Les obligations contractées s'accroissent en raison des bénéfices que la société présente à l'homme. D'après ce principe, vrai en commerce comme en politique, que la gravité des soins est partout en raison de l'étendue des profits. Chacun paie sa dette à sa manière. Quand notre pauvre homme de la rétorière vient se coucher fatigué de ses labours, croyez-vous qu'il n'est pas rempli des devoirs? Il a certes mieux accompli les siens que beaucoup de gens haut placés. En considérant ainsi la société dans laquelle vous voudrez une place, en harmonie avec votre intelligence et vos facultés, vous avez donc à poser comme principe générateur cette maxime. Ne se rien permettre, ni contre sa conscience, ni contre la conscience publique. Quoique mon insistance puisse vous sembler superflue, je vous supplie, oui, votre Henriette vous supplie de bien peser le sens de ces deux paroles. Simples en apparence, elles signifient, cher, que la droiture, l'honneur, la loyauté, la politesse sont les instruments les plus sûrs et les plus prompts de votre fortune. Dans ce monde égoïste, une foule de gens vous diront que l'on ne fait pas son chemin par les sentiments, que les considérations morales, trop respectées, retardent leur marche. Vous verrez des hommes mal élevés, mal appris ou incapables de toiser l'avenir, froissant un petit, se rendant coupable d'une impolitesse envers une vieille femme, refusant de s'ennuyer un moment avec quelques bons vieillards, sous prétexte qui ne leur sont utiles à rien. Plus tard, vous apercevrez ces hommes accrochés à des épines qu'ils n'auront pas épointées et manquant leur fortune pour un rien, tandis que l'homme rompu de bonheur à cette théorie des devoirs ne rencontrera point d'obstacle. Peut-être arrivera-t-il moins promptement, mais sa fortune sera solide et restera quand celle des autres croulera. Quand je vous dirai que l'application de cette doctrine exige avant tout la science des manières, vous trouverez peut-être que ma jurisprudence sent un peu la cour et les enseignements que j'ai reçus dans la maison de Lénoncourt. Oh, mon ami, j'attache la plus grande importance à cette instruction, si petite en apparence. Les habitudes de la grande compagnie vous sont aussi nécessaires que peuvent l'être les connaissances étendues et variées que vous possédez. Elles les ont souvent suppléées. Certains ignorants, en fait, mais doués d'un esprit naturel, habitués à mettre de la suite dans leurs idées, sont arrivés à une grandeur qui fuyait de plus digne qu'eux. Je vous ai bien étudié, Félix, avant de savoir si votre éducation, prise en commun dans les collèges, n'avait rien gâté chez vous. Avec quelle joie ai-je reconnu que vous pouviez acquérir le peu qui vous manque ? Dieu seul le sait. Chez beaucoup de personnes élevées dans ces traditions, les manières sont purement extérieures, car la politesse exquise, les belles façons viennent du cœur et d'un grand sentiment de dignité personnelle. Voilà pourquoi, malgré leur éducation, quelques nobles ont mauvais ton, tandis que certaines personnes d'extraction bourgeoise ont naturellement bon goût et n'ont plus qu'à prendre quelques leçons pour se donner, sans imitation gauche, d'excellentes manières. Croyez-en une pauvre femme qui ne sortira jamais de sa vallée, ce ton noble, cette simplicité gracieuse, empreinte dans la parole, dans le geste, dans la tenue et jusque dans la maison, constitue comme une poésie physique dont le charme est irrésistible. Jugez de sa puissance quand elle prend sa source dans le cœur. La politesse, cher enfant, consiste à paraître s'oublier pour les autres. Chez beaucoup de gens, elle est une grimace sociale qui se dément aussitôt que l'intérêt est trop froissé, montre le bout de l'oreille. Un grand devient alors ignoble. Mais, et je veux que vous soyez ainsi, Félix, La vraie politesse implique une pensée chrétienne. Elle est comme la fleur de la charité et consiste à s'oublier réellement. En souvenir d'Henriette, ne soyez donc pas une fontaine sans eau, ayez l'esprit et la forme. Ne craignez pas d'être souvent la dupe de cette vertu sociale. Tôt ou tard, vous recueillerez le fruit de tant de grains en apparence jetés au vent. Mon père a remarqué jadis qu'une des façons les plus blessantes dans la politesse mal entendue est l'abus des promesses. Quand il vous sera demandé quelque chose que vous ne sauriez faire, refusez net, en ne laissant aucune fausse espérance, puis accordez promptement ce que vous voulez octroyer. Vous acquérez ainsi la grâce du refus et la grâce du bienfait, double loyauté qui relève merveilleusement un caractère. Je ne sais si l'on ne vous en veut pas plus d'un espoir déçu qu'on ne nous sait gré d'une faveur. Surtout, mon ami, car ces petites choses sont bien dans mes attributions et je puis m'apesantir sur ce que je crois savoir, ne soyez ni confiant, ni banal, ni empressé. Trois écueils. La trop grande confiance diminue le respect. La banalité nous vaut le mépris. Le zèle nous rend excellents à exploiter. Et d'abord, cher enfant, vous n'aurez pas plus de deux ou trois amis dans le cours de votre existence. Votre entière confiance est leur bien. La donner à plusieurs, n'est-ce pas les trahir? Si vous vouliez avec quelques hommes plus intimement qu'avec d'autres, soyez donc discret sur vous-même. Soyez toujours réservé, comme si vous deviez les avoir un jour pour compétiteurs, pour adversaires ou pour ennemis. Les hasards de la vie le voudront ainsi. Gardez donc une attitude qui ne soit ni froide ni chaleureuse. Sachez trouver cette ligne moyenne sur laquelle un homme peut demeurer sans rien compromettre. Oui, croyez-vous que le galant homme est aussi loin de la lâche complaisance de Philinte que de l'âpre vertu d'Alceste? Le génie du poète comique brille dans l'indication du milieu vrai que saisissent les spectateurs nobles. Certes, tous pencheront plus vers les ridicules de la vertu que vers le souverain mépris caché sous la bonhomie de l'égoïsme. Mais ils sauront se préserver de l'un et de l'autre. Quant à la banalité, si elle fait dire de vous, par quelque niais, que vous êtes un homme charmant, les gens habitués à sonder, à évaluer les capacités humaines, déduiront votre tare et vous serez promptement déconsidéré, car la banalité est la ressource des gens faibles. Or, les faibles sont malheureusement méprisés par une société qui ne voit dans chacun de ses membres que des organes. Peut-être d'ailleurs, à telle raison, la nature condamne à mort les êtres imparfaits. Aussi, peut-être les touchantes protections de la femme sont-elles engendrées par le plaisir qu'elle trouve à lutter contre une force aveugle, à faire triompher l'intelligence du cœur sur la brutalité de la matière. Mais la société, plus marâtre que mère, adore les enfants qui flattent sa vanité. Quant aux ailes, cette première et sublime erreur de la jeunesse, qui trouve un contentement réel à déployer ses forces et commence ainsi par être la dupe d'elle-même avant d'être celle d'autrui, gardez-le pour vos sentiments partagés, gardez-le pour la femme et pour Dieu. N'apportez ni au bazar du monde, ni aux spéculations de la politique des trésors en échange desquels ils vous rendront des verroteries. Vous devez croire la voix qui vous commande la noblesse en toutes choses, alors qu'elle vous supplie de ne pas vous prodiguer inutilement. Car malheureusement, les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur. Pour employer une image qui se grave en votre esprit poétique, que le chiffre soit d'une grandeur démesurée, tracé en or, écrit au crayon, ce ne sera jamais qu'un chiffre. Comme l'a dit un homme de cette époque, n'ayez jamais de zèle. Le zèle effleure la duperie. Il cause des mécomptes. Vous ne trouveriez jamais au-dessus de vous une chaleur en harmonie avec la vôtre. Les rois, comme les femmes, croient que tout leur est dû. Quelque triste que soit ce principe, il est vrai, mais ne déflore point l'âme. Placez vos sentiments purs en des lieux inaccessibles où les fleurs soient passionnément admirées. L'artiste rêvera presque amoureusement au chef-d'œuvre. Les devoirs, mon ami, ne sont pas des sentiments. Faire ce qu'on doit n'est pas faire ce qui plaît. Un homme doit aller mourir froidement pour son pays et peut donner avec bonheur sa vie à une femme. Une des règles les plus importantes de la science des manières est un silence presque absolu sur vous-même. Donnez-vous la comédie quelques jours de parler de vous-même à des gens de simple connaissance. Entretenez-les de vos souffrances, de vos plaisirs ou de vos affaires. Vous verrez l'indifférence succédant à l'intérêt joué. Puis, l'ennui venu, si la maîtresse du logis ne vous interrompt poliment, chacun s'éloignera sous des prétextes habilement saisis. Mais voulez-vous grouper autour de vous toutes les sympathies, passer pour un homme aimable et spirituel, d'un commerce sûr, entretenez-les de même. Cherchez un moyen de les mettre en scène, même en soulevant des questions en apparence inconciliables avec les individus. Les fronts s'animeront, les bouches vous souriront, et quand vous serez partis, chacun fera votre éloge. Votre conscience et la voix du cœur vous diront la limite où commence la lâcheté des flatteries, où finit la grâce de la conversation. Encore un mot sur le discours en public. Mon ami, la jeunesse est toujours encline à je ne sais quelle promptitude de jugement qui lui fait honneur, mais qui la dessert. De là venait le silence imposé par l'éducation d'autrefois aux jeunes gens qui faisaient auprès des grands un stage pendant lequel ils étudiaient la vie. Car autrefois, la noblesse, comme l'art, avait ses apprentis, ses pages dévouées au maître qui les nourrissaient. Aujourd'hui, la jeunesse possède une science de serre chaude, partant, tout acide, qui la porte à juger avec sévérité les actions, les pensées et les écrits. Elle tranche avec le fil d'une lame qui n'a pas encore servi. N'ayez pas ce travers. Vos arrêts seraient des censures qui blesseraient beaucoup de personnes autour de vous, et tous pardonneront moins, peut-être une blessure secrète, qu'un tort que vous donneriez publiquement. Les jeunes gens sont sans indulgence, parce qu'ils ne connaissent rien de la vie ni de ses difficultés. Le vieux critique est bon et doux, le jeune critique est implacable. Celui-ci ne sait rien, celui-là sait tout. D'ailleurs, il est au fond de toutes les actions humaines un labyrinthe de raisons déterminantes, desquelles Dieu s'est réservé le jugement définitif. Ne soyez sévère que pour vous-même. Votre fortune est devant vous, mais personne en ce monde ne peut faire la sienne sans aide. Pratiquez donc la maison de mon père, l'entrée vous en est acquise. Les relations que vous vous y créerez vous serviront en mille occasions. Mais n'y cédez pas un pouce de terrain à ma mère. Elle écrase celui qui s'abandonne et admire la fierté de celui qui lui résiste. Elle ressemble au fer qui, battu, peut se joindre au fer, mais qui brise par son contact tout ce qui n'a pas sa dureté. Cultivez donc ma mère, si elle vous veut du bien. Elle vous introduira dans les salons, où vous acquérez cette fatale science du monde, l'art d'écouter, de parler, de répondre, de vous présenter, de sortir. Le langage précis, ce « je ne sais quoi », qui n'est pas plus la supériorité que l'habit ne constitue le génie, mais sans lequel le plus beau talent ne sera jamais admis. Je vous connais assez pour être sûr de ne me faire aucune illusion en vous voyant par avance comme je souhaite que vous soyez, simple dans vos manières, doux de ton, fier sans fatuité, respectueux près des vieillards, prévenant sans servilité, discret surtout. Déployez votre esprit, mais ne servez pas d'amusement aux autres, car sachez bien que si votre supériorité froisse un homme médiocre, il se taira, puis il dira de vous « il est très amusant », terme de mépris. Que votre supériorité soit toujours léonine. Ne cherchez pas d'ailleurs à complaire aux hommes. Dans vos relations avec eux, je vous recommande une froideur qui puisse arriver jusqu'à cette impertinence dont ils ne peuvent se ficher. Tous respectent celui qui les dédaigne, et ce dédain vous conciliera la faveur de toutes les femmes qui vous estimeront en raison du peu de cas que vous ferez des hommes. Ne souffrez jamais près de vous des gens déconsidérés. Quand même, ils ne mériteraient pas leur réputation, car le monde nous demande également compte de nos amitiés et de nos haines. À cet égard, que vos jugements soient longtemps et mûrement pesés, mais qu'ils soient irrévocables. Quand les hommes repoussés par vous auront justifié votre répulsion, votre estime sera recherchée. Ainsi vous inspirerez ce respect tacite qui grandit un homme parmi les hommes. Voilà donc armé de la jeunesse qui plaît, de la grâce qui séduit, de la sagesse qui conserve les conquêtes. Tout ce que je viens de vous dire peut se résumer par un vieux mot « noblesse oblige ». Maintenant, appliquez ces préceptes à la politique des affaires. Vous entendrez plusieurs personnes disant que la finesse est l'élément du succès, que le moyen de percer la foule est de diviser les hommes pour se faire faire place. Mon ami, ces principes étaient bons au Moyen-Âge, quand les principes avaient des forces rivales à détruire les unes par les autres. Mais aujourd'hui, tout est à jour, et ce système vous rendrait de fort mauvais services. En effet, vous rencontrerez devant vous soit un homme loyal et vrai, soit un ennemi traître, un homme qui procédera par la calomnie, par la médisance, par la fourberie. Eh bien, sachez que vous n'avez pas de plus puissant auxiliaire que celui-ci. L'ennemi de cet homme est lui-même. Vous pouvez le combattre en vous servant d'armes loyales. Il sera tôt ou tard méprisé. Quant au premier, votre franchise vous conciliera son estime et vos intérêts conciliés, car tout s'arrange, il vous servira. Ne craignez pas de vous faire des ennemis. Malheur à qui n'en a pas dans le monde où vous allez, mais tâchez de ne donner prise ni au ridicule, ni à la déconsidération. Je dis tâchez, car à Paris, un homme ne s'appartient pas toujours. Il est soumis à de fatales circonstances. Vous n'y pourrez éviter ni la boue du ruisseau, ni la tuile qui tombe. La morale à ces ruisseaux d'où les gens déshonorés essaient de faire jaillir sur les plus nobles personnes la boue dans laquelle ils se noient. Mais vous pouvez toujours vous faire respecter en vous montrant dans toutes les sphères implacables dans vos dernières déterminations. Dans ce conflit d'ambition, au milieu de ces difficultés entrecroisées, allez toujours droit au fait, marchez résolument à la question et ne vous battez jamais que sur un point, avec toutes vos forces. Vous savez combien M. de Mortsauf haïssait Napoléon. Il le poursuivait de sa malédiction. Il veillait sur lui comme la justice sur le criminel. Il lui redemandait tous les soirs le duc d'Enghien, la seule infortune, seule mort qui lui ait fait verser des larmes. Eh bien, il l'admirait comme le plus hardi des capitaines. Il m'en a souvent expliqué la tactique. Cette stratégie ne peut-elle donc s'appliquer dans la guerre des intérêts? Elle y économiserait le temps comme l'autre économisait les hommes et l'espace. Songez à ceci, car une femme se trompe souvent en ces choses que nous jugeons par instinct et par sentiment. Je ne puis insister sur un point. Toute finesse, toute tromperie est découverte et finit par nuire, tandis que toute situation me paraît être moins dangereuse quand un homme se place sur le terrain de la franchise. Si je pouvais citer mon exemple, je vous dirais qu'à Clochegourde, forcé par le caractère de M. de Mortsauf à prévenir tout litige, à faire arbitrer immédiatement les contestations qui seraient pour lui comme une maladie dans laquelle il se complairait en y succombant, j'ai toujours tout terminé moi-même en allant droit au nœud et disant à l'adversaire « dénouons ou coupons ». Il vous arrivera souvent d'être utile aux autres, de leur rendre service, et vous en serez peu récompensé. Mais n'imitez pas ceux qui se plaignent des hommes et se vantent de ne trouver que des ingrats. N'est-ce pas se mettre sur un piédestal? Puis n'est-il pas un peu niais d'avouer son peu de connaissance du monde? Mais ferez-vous le bien comme un usurier prête son argent? Ne le ferez-vous pas pour le bien en lui-même? Noblesse oblige. Néanmoins, ne rendez pas de tels services que vous forciez les gens à l'ingratitude, car cela deviendrait pour vous d'irréconciliables ennemis. Il y a le désespoir de l'obligation, comme le désespoir de la ruine qui prête des forces incalculables. Quant à vous, acceptez le moins que vous pourrez des autres. Ne soyez le vassal d'aucune âme. Ne relevez que de vous-même. Je ne vous donne d'avis, mon ami, que sur les petites choses de la vie. Dans le monde politique, tout change d'aspect. Les règles qui régissent votre personne fléchissent devant les grands intérêts. Mais si vous parveniez à la sphère où se meuvent les grands hommes, vous seriez comme Dieu, seul juge de vos résolutions. Vous ne serez plus alors un homme, vous serez la loi vivante. Vous ne serez plus un individu, vous serez incarné la nation. Mais si vous jugez, vous serez jugé aussi. Plus tard, vous comparaîtrez devant les siècles et vous savez assez l'histoire pour avoir apprécié les sentiments et les actes qui engendrent la vraie grandeur. J'arrive à la question grave, à votre conduite auprès des femmes. Dans les salons où vous irez, ayez pour principe de ne pas vous prodiguer en vous livrant au petit manège de la coquetterie. Un des hommes qui, dans l'autre siècle, eurent le plus de succès, avait l'habitude de ne jamais s'occuper que d'une seule personne dans la même soirée et de s'attacher à celle qui paraissait négligée. Cet homme, cher enfant, a dominé son époque. Il avait sagement calculé que dans un temps donné, son éloge serait obstinément fait par tout le monde. La plupart des jeunes gens perdent leur plus précieuse fortune, le temps nécessaire pour se créer des relations qui sont la moitié de la vie sociale. Comme ils plaisent par eux-mêmes, ont peu de choses à faire pour qu'on s'attache à leurs intérêts. Mais ce printemps est rapide, sachez-le bien employer. Cultivez donc les femmes influentes. Les femmes influentes sont les vieilles femmes. Elles vous apprendront les alliances, les secrets de toutes les familles et les chemins de traverse qui peuvent vous mener rapidement au but. Elles seront à vous de cœur. La protection est leur dernier amour quand elles ne sont pas dévotes. Elles vous serviront merveilleusement. Elles vous prôneront et vous rendront désirable. Fuyez les jeunes femmes. Ne croyez pas qu'il y ait le moindre intérêt personnel dans ce que je vous dis. La femme de 50 ans fera tout pour vous, et la femme de 20 ans, rien. Celle-ci veut toute votre vie. L'autre ne vous demandera qu'un moment, une attention. Raillez les jeunes femmes. Prenez d'elles tout en plaisanterie. Elles sont incapables d'avoir une pensée sérieuse. Les jeunes femmes, mon ami, sont égoïstes, petites, sans amitié vraie. Elles n'aiment qu'elles. Elles vous sacrifieraient un succès. D'ailleurs, toutes veulent du dévouement et votre situation exigera qu'on en ait pour vous deux prétentions inconciliables. Aucune d'elles n'aura l'entente de vos intérêts. Toutes penseront à elles et non à vous. Toutes vous nuiront plus par leur vanité qu'elles ne vous serviront par leur attachement. Elles vous dévoreront sans scrupule votre temps, vous feront manquer votre fortune, vous détruiront de la meilleure grâce du monde. Si vous vous plaignez, la plus sotte d'entre elles vous prouvera que son gant vaut le monde, que rien n'est plus glorieux que de la servir. Toutes vous diront qu'elles donnent le bonheur et vous feront oublier vos belles destinées. Leur bonheur est variable, votre grandeur sera certaine. Vous ne savez pas avec quel art perfide elles s'y prennent pour satisfaire leurs fantaisies, pour convertir un goût passager en un amour qui commence sur la terre et doit se continuer dans le ciel. Le jour où elles vous quitteront, elles vous diront que le mot « je n'aime plus » justifie l'abandon, comme le mot « j'aime » excusait leur amour, que l'amour est involontaire. Doctrine absurde. Cher, croyez-le, le véritable amour est éternel, infini, toujours semblable à lui-même. Il est égal et pur, sans démonstration violente. Il se voit en cheveux blancs, toujours jeune de cœur. Rien de ces choses ne se trouve parmi les femmes mondaines. Elles jouent toute la comédie. Celle-ci vous intéressera par ses malheurs. Elle paraîtra la plus douce et la moins exigeante des femmes. Mais quand elle sera rendue nécessaire, elle vous dominera lentement et vous fera faire ses volontés. Vous voudrez être diplomate, aller, venir, étudier les hommes, les intérêts, les pays? Non, vous resterez à Paris ou à sa terre. Elle vous coudra malicieusement à sa jupe. et plus vous montrerez de dévouement, plus elle sera ingrate. Celle-là tentera de vous intéresser par sa soumission. Elle se fera votre page. Elle vous suivra romanesquement au bout du monde. Elle se compromettra pour vous garder et sera comme une pierre à votre cou. Vous vous noierez un jour et la femme surnagera. Les moins rusées des femmes ont des pièges infinis. La plus imbécile triomphe par le peu de défiance qu'elle excite. La moins dangereuse serait une femme galante qui vous aimerait sans savoir pourquoi, qui vous quitterait sans motif et vous reprendrait par vanité. Mais toutes vous nuiront dans le présent ou dans l'avenir. Toute jeune femme qui va dans le monde, qui vit de plaisir et de vaniteuse satisfaction, est une femme à demi corrompue qui vous corrompra. Là ne sera pas la créature chaste et recueillie dans l'âme de laquelle vous régnerez toujours. Oh, elle sera solitaire, celle qui vous aimera. Ses plus belles fêtes seront vos regards. Elle vivra de vos paroles. Que cette femme soit donc pour vous le monde entier, car vous serez tout pour elle. Aimez-la bien. Ne lui donnez ni chagrin, ni rival. N'excitez pas sa jalousie. Être aimé, cher, être compris, est le plus grand des bonheurs. Je souhaite que vous le goûtiez, mais ne compromettez pas la fleur de votre âme. Soyez bien sûr du cœur où vous placerez vos affections. Cette femme ne sera jamais elle. Elle ne devra jamais penser à elle, mais à vous. Elle ne vous disputera rien. Elle n'entendra jamais ses propres intérêts et saura flairer pour vous un danger là où vous n'en verrez point, là où elle oubliera le sien propre. Enfin, si elle souffre, elle souffrira sans se plaindre. Elle n'aura point de coquetterie personnelle, mais elle aura comme un respect de ce que vous aimerez en elle. Répondez à cet amour en le surpassant. Si vous êtes assez heureux pour rencontrer ce qui manquera toujours à votre pauvre ami, un amour également inspiré, également ressenti, songez, quelle que soit la perfection de cet amour, que dans une vallée vivra pour vous une mère de qui le cœur est si creusé par le sentiment dont vous l'avez rempli que vous n'en pourrez jamais trouver le fond. Oui, je vous porte une affection dont l'étendue ne vous sera jamais connue. Pour qu'elle se montre ce qu'elle est, il faudrait que vous eussiez perdu votre belle intelligence, et alors vous ne sauriez pas jusqu'où pourrait aller mon dévouement. Suis-je suspecte en vous disant d'éviter les jeunes femmes, toutes plus ou moins artificieuses, moqueuses, vaniteuses, futiles, gaspilleuses, de vous attacher aux femmes influentes, à ces imposantes douairières, pleines de sens comme l'était ma tante, et qui vous serviront si bien, qui vous défendront contre les accusations secrètes en les détruisant, qui diront de vous ce que vous ne pourriez en dire vous-même. Enfin, ne suis-je pas généreuse en vous ordonnant de réserver vos adorations pour l'ange au cœur pur? Si ce mot « noblesse oblige » contient une grande partie de mes premières recommandations, mes avis sur vos relations avec les femmes sont aussi dans ce mot de chevalerie. Les servir toutes, n'en aimer qu'une. Votre instruction est immense, votre cœur conservé par la souffrance est resté sans souillure. Tout est beau, tout est bien en vous. Veuillez donc. Votre avenir est maintenant dans ce seul mot, le mot des grands hommes. N'est-ce pas, mon enfant, que vous obéirez à votre Henriette, que vous lui permettrez de continuer à vous dire ce qu'elle pense de vous et de vos rapports avec le monde? J'ai dans l'âme un œil qui voit l'avenir pour vous comme pour mes enfants. Laissez-moi donc user de cette faculté à votre profit, don mystérieux que m'a fait la paix de ma vie et qui, loin de s'affaiblir, s'entretient dans la solitude et le silence. Je vous demande en retour de me donner un grand bonheur. Je veux vous voir grandissant parmi les hommes, sans qu'un seul de vos succès me fasse plisser le front. Je veux que vous mettiez promptement votre fortune à la hauteur de votre nom et pouvoir me dire que j'ai contribué mieux que par le désir à votre grandeur. Cette secrète coopération est le seul plaisir que je puisse me permettre. J'attendrai. Je ne vous dis pas adieu. Nous sommes séparés. Vous ne pouvez avoir ma main sous vos lèvres, Mais vous devez bien avoir entrevu quelle place vous occupez dans le cœur de votre Henriette.